Moi, je suis forte, peu importe les tempêtes, je vous laisse les doutes. Moi, j'ai un rêve à dompter, car moi, je suis forte. Et même quand je suis fogue devant le miroir face à moi, mais je ne dis rien, je supporte. Tu voulais me voir tomber, mes rêves abandonnés. Merci pour les épines, dans le fond tu m'as aidé. Contre vents et marées, je me suis relevée. J'ai jeté les mots empoisonnés. Je te parlais de ciel et d'envol, et toi tu me montrais le sol. Moi je suis forte, tellement forte qu'il m'emprise pour une folle. Moi je suis forte, je déploie mes ailes et je m'envole. Moi je suis forte, aucun mot, aucune porte, aucun découragement de la sorte ne seront assez durs, car moi je suis forte. Oh je suis tellement forte, alors cessez les paroles. Parole, parole, tu voulais me voir tomber, mes rêves abandonnés. Merci pour les épines, dans le fond tu m'as aidé. Contre vents et marées, je me suis relevée. J'ai jeté les mots empoisonnés. Je te parlais de ciel et d'envol, et toi tu me montrais le sol. Moi je suis forte, tellement forte qu'il